la petite fadette, voyant qu'il s'était donné à elle, si entièrement et si subitement, avait peur que ce ne fût feu de paille, ou bien encore qu'elle-même, prenant feu du mauvais côté, lâchant de la plus loin d'entre eux que l'honnêteté ne permet à deux enfants qui ne sont point encore en âge d'être mariés. Mais la petite fadette l'aimait comme une folle, et pourtant elle se conduisit avec une grande sagesse. Car si le jour, la nuit, à toute heure de son temps, elle pensait à lui et séchait d'impatience de le voir et d'envie de le caresser, aussitôt qu'elle le voyait, elle prenait un air tranquille, lui parlait raison, feignait même de ne point encore connaître le feu d'amour, et ne lui permettait pas de lui serrer la main plus haut que le poignet. Et Landry, qui, dans les endroits retirés où ils se trouvaient souvent ensemble, et mêmement, quand la nuit était bien noire, aurait pu s'oublier jusqu'à ne plus se soumettre à elle, tant il était ensorcelé, craignait pourtant si fort de lui déplaire, et se tenait pour si peu certain d'être aimé d'amour, qu'il vivait aussi innocemment avec elle que si elle eût été avec sa sœur, et lui, le petit Sotterio. Pour le distraire de l'idée qu'elle ne voulait point encourager, elle l'instruisait dans les choses qu'elle savait, et dans lesquelles son esprit et son talent naturel avaient surpassé l'enseignement de sa grand-mère. Elle ne voulut faire mystère de rien à Landry, et comme il avait toujours un peu peur de la sorcellerie, elle mit tous ses soins à lui faire comprendre que le diable n'était pour rien dans les secrets de son savoir.